Du jamais vu chez Delbeau Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbeau Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de NBA avec notre ami Pascal Jobin. Évidemment, du côté des et du March Madness, je veux savoir avec Pascal s'il est surpris que Duke n'a pas franchi au moins le Final Four. Salut Pascal! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Pascal, es-tu surpris de voir que Duke... n'a pas atteint le Final Four, finalement. Moi, je ne suis pas surpris. Ils jouaient tellement mal que, tu sais, ils ont... Avant ça, contre UFC et une autre université, ça a été très, très, très pénible. Donc, à quelque part, c'est pas surprenant ce qui est arrivé, là. Ben, tu l'as mentionné, les deux matchs qu'ils ont joués avant de jouer dans Michigan State, c'est des matchs qu'ils ont gagnés à la toute dernière fin. Des matchs qui ont fini par un point et deux points, si je ne me trompe pas. Où l'adversaire avait le dernier tir, donc une opportunité de non seulement de gagner le match ou d'aller en prolongation. Et contre Michigan State, ça s'est quand même fini par un point, un match très serré. J'étais un peu déçu de voir Zion ne pas toucher au ballon. Il a quand même fini avec 23 points, je pense, 14 rebonds. Mais je n'étais pas surpris. Je pense que Michigan State, sans Mizzou, a fait un très bon travail. On n'a aucun joueur... en passant à Danny de Michigan State, considéré dans le repêchage NBA cette année. Aucun. Zéro. Et de se présenter contre ce qu'on parle, trois joueurs potentiellement dans les top 10, plus un joueur qui pourrait être repêché. Donc, quatre joueurs qui pourraient être repêchés. Je suis un petit peu surpris, un petit peu déçu, mais basketball, c'est un sport d'équipe. Et ouais. Je pense que l'inexpérience et la jeunesse de Duke ça les a coûté probablement cette présence-là dans le Final Four. Et est-ce que R.J. Barrett, j'ai vu ça, le joueur le plus surévalué, c'est-tu parce que c'est un Canadien? Non, je pense que ça a rapport à plusieurs choses. Peut-être un peu de jalousie, comme tu as dit, par rapport au fait qu'il est Canadien, mais je pense que le R.J. Barrett était considéré quand même comme le meilleur joueur aux États-Unis, il faut pas tu oublies que le vote vient des joueurs. Je pense que c'est comme 250 ou 300 joueurs qui ont participé au March Madness qui ont fait le vote. Donc, c'est pas négatif envers RJ en voulant dire qu'il est pas bon. C'est juste le fait qu'on l'a peut-être surestimé ou on a parlé de lui comme étant, je sais pas moi, le prochain LeBron James. Et pour beaucoup de gens, c'était même pas le meilleur joueur de son équipe, c'était Zion. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est peut-être un mélange des deux, un peu de jalousie. Mais on parle de surexposer, on parle de vanter un joueur peut-être qui avait pas autant de mérite, mais il a connu une saison phénoménale, R.J. Barrett, au niveau des points, au niveau des assists pour la première année, puis il va probablement être repêché. Moi, je m'attends à le voir dans les top 3 dans le repêchage, potentiellement troisième. Donc je pense pas que dans cette situation-là, c'est un joueur qui mérite pas certaines choses, mais on en a peut-être trop vanté. Pascal, on va en parler plus avec Peter. Je veux te parler des Raptors. Ouais. 5 victoires consécutives du côté des Raptors. Moi, j'étais inquiet, finalement, à l'approche des séries. J'aime ça voir cette équipe-là qui semble avoir pesé sur le switch à one, comme qu'on pourrait dire. Ben, je pense que Toronto, on a connu une saison assez spectaculaire. Ouais. Et je pense que du côté des Raptors, on est prêt pour les séries avec Kawhi Leonard. Je pense que la venue de Mark Gasol prend un certain temps. Et là, il commence à s'ajuster, se familiariser avec son environnement, avec sa nouvelle équipe. Et je m'attends à ce que Toronto... c'est quoi, Danny? On en a parlé pendant la saison, mais c'est soit une finale de l'Est et potentiellement une finale de la NBA. Sinon, c'est une mauvaise saison. Ouais. C'est considéré comme une mauvaise saison. Même si c'est probablement une de les meilleures dans leur histoire. OK. Si on y allait maintenant avec, avec du côté des du côté maintenant de Chris Boucher, élu joueur par excellence de J-League, il n'a pas joué la moitié de l'année. Ça, c'est, écoute, c'est un bel accomplissement pour Chris Boucher. Est-ce que on lui disait que la seule différence pourquoi il n'est pas dans la NBA, c'est son physique. Il est frais, comme qu'on pourrait dire. Est-ce que là, Chris Boucher a travaillé fort sur le physique, se renforcer physiquement, puis il pourrait être un joueur de banc dans l'université? Ben, je pense qu'il a démontré ce qu'il pouvait faire. Il ne travaillait pas dans la salle de musculation. Tu as eu la chance d'en parler avec Charles Dupébret, qui est l'assistant entraîneur avec le 905. Il a connu une très bonne saison. On sait que c'est un très bon joueur défensif avec des comptes. Et je m'attends à voir Chris Boucher dans la NBA pour beaucoup de saisons qui s'en viennent. Je pense qu'on l'a signé. On a eu une extension de contrat pour 2 ans avec Toronto. Donc, je pense qu'il a fait sa place. Il a démontré ce qu'il pouvait faire dans la Ligue de développement. Et je pense qu'il va avoir sa place. Je pense plus qu'on va le revoir dans la G-League dans les années à venir. OK. Parlons du côté des Lakers. LeBron James qui a pris une pause. Écoute, quelque part, c'est correct. Là. À l'âge qu'il est rendu, il n'a plus rien à gagner. Il a été blessé plusieurs fois. Ça aurait donné quoi de jouer certains matchs? Là? Ben, t'as raison. Puis c'est quand même une blessure. C'est une déchirure qu'il y a eu. Je pense qu'il est venu peut-être un peu trop vite. Mm. Et dans tout ce qui se passe à Los Angeles, j'écoute tous les gens parler. Mais faut pas oublier que quand il s'est blessé le 25 décembre, ils étaient quatrième dans l'Ouest. Ils auraient fait les séries. Ils auraient peut-être même eu l'avantage du terrain en première ronde. Et à partir de la blessure de LeBron James, ça a été vraiment là une saison médiocre au niveau de blessure, au niveau média, au niveau le fiasco d'Anthony Davis pendant l'échange. Donc, et la première année depuis très longtemps que LeBron James ne sera pas dans les finales, mais encore moins dans les séries. Mais c'est fait partie de la business du sport. Et on dit souvent que les blessures peuvent changer énormément. Tu l'as vu, Danny, avec les Canadiens, avec Carey Price, parce qu'il était blessé. Ça l'affecte une équipe. Un joueur peut affecter. On sait l'importance de LeBron James avec cette équipe-là. Donc, moi, je suis pas surpris de voir ce qui se passe à Los Angeles. Maintenant, on doit se retourner de bord. On a un été qui s'en vient. Puis je m'attends à ce que l'année prochaine, LeBron James redevienne le meilleur joueur au monde, même s'il est rendu, il va être rendu à 35 ans. Je pense qu'il est en excellente condition physique. On voit Vince Carter à 41 ans encore faire des dunks, encore bien performer. Dirk Nowitzki à sa 20e saison. Je pense que LeBron James a toujours pris soin de son corps, pris soin de son conditionnement. Une blessure, c'est une blessure d'année. Hein. Et puis, fait que je pense que ça va être bon. Mais et de ne pas le faire jouer, écoute, les matchs pour les Lakers ne valent absolument rien. La seule chose négative dans cette situation-là, c'est les gens qui ont acheté des billets pour voir LeBron James jouer. Ah ouais, je trouve ça malheureux. Ouais, puis ça a monté pas mal, là. Ça a remonté pas mal, les billets là, à Los Angeles, au Staples Center. Hey, en terminant, qui est le meilleur joueur, le joueur le plus utile, Greek Freak ou James Harden? Ben moi, je vais choisir le Greek Freak. Ouais. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un joueur d'équipe. Juste dans le match hier soir contre Philadelphie, il y a 3 points de réussite. Défensivement, offensivement. Et je peux te dire pourquoi je le donne. Même si James Harden, offensivement, a connu une saison phénoménale, a battu des records qui datent de Wilt Chamberlain au niveau de matchs de 30 points ou 40 points, des matchs de 50 points. Pour moi, le joueur le plus utile de la NBA, le meilleur joueur de la NBA, ça doit être un joueur capable d'être dans la première équipe défensive autant que dans la première équipe offensive. Et je pense que James Harden, malheureusement, je peux pas le mettre dans une des trois équipes défensives. Tandis que Giannis Antetokounmpo pourrait être le joueur défensif de l'année et le meilleur joueur de l'année à la Michael Jordan. Donc, pour moi, c'est très important d'être capable de jouer les deux côtés. Si tu veux être considéré comme le meilleur joueur sur la planète, le meilleur joueur dans la NBA, tu dois être capable d'au moins donner une illusion que tu joues à la défense. Et ouais. C'est pour ça que je donne à Giannis au lieu de James Harden. Oui. Pascal, gros merci. On se reparle à partir de la semaine prochaine, à tous les semaines. Avec les ça fait plaisir, Danny. Les séries vont commencer.